Alors celle-là, hey, vous allez crier avec nous, s'il vous plaît. Alors faut crier, hey oh, let's go, hein, c'est pas compliqué. Tu t'es chié.